elle m'a compté. Pourquoi t'es encore dans ma tête? Pourquoi t'es encore dans ma tête? Les journées s'enchaînent, se répètent. Sans toi, du mal à faire la fête. Je vais noyer ma peine dans la taille. Je le fais, je l'assume, je le paye. Pourquoi je n'ai plus de tes nouvelles? T'es plus là quand je me réveille. Mon amour te casse, fais des loups et je tasse. La quiche t'a en espèce, tu sais pourquoi on se casse. Le tracker dans la caisse, ne te voile pas la face. Ta famille me déteste, t'es ma pourquoi on tasse. Ils parlaient, ils disaient, j'aurais jamais dû les écouter. Hombre, ma vie, ma dabia kundre le magnete. Ils parlaient, ils disaient, j'aurais jamais dû les écouter. Hombre, ma vie, ma dabia kundre le magnete. C'était la moitié qui me comblait ce vide. Ils se sont mis entre nous mais je serai là quoi qu'il arrive. On a laissé parler les faux amis, les problèmes de famille. On était bêtes et naïfs. Envie de te rappeler quand je suis solo la nuit. Mais je veux pas que t'aies d'ennui parce que t'es le hub d'y aller. Les souvenirs qui nous rallient, ma femme, ma meilleure amie. Ndiya Kulche. Ils parlaient, ils disaient, j'aurais jamais dû les écouter. Hombre, ma vie, ma dabia kundre le mak. Ils parlaient, ils disaient, j'aurais jamais dû les écouter. Hombre, ma vie, ma dabia kundre le mak.